Bienvenue à cette conférence ayant pour titre Se libérer du passé. Ça va être longue, celle-là. Une conférence de 3 heures. Il a fait que tu oublies la question. Avant de parler du passé, j'aimerais parler de l'actualité, c'est-à-dire de l'Aristocrate. Le nouveau journal L'Aristocrate va être prêt à la pause. Il est fraîchement imprimé. Juste donner les titres des articles de ce mois-ci. L'amour au-dessus du travail. On va en faire jaser quelques-uns. Je me rappelais qu'on ne devait pas parler de sexe au travail. Un jour, je te réexpliquerai la différence entre l'amour et le sexe. OK. Ça doit être ça que ma femme me parle depuis une dizaine d'années, je crois. Le deuxième article, l'art de déléguer aux autres. C'est ça que mes enfants comprennent. Alors que Gilles Fréchet, je demanderai à quelqu'un de te l'expliquer. OK. Le troisième, celle-là, je le comprends, c'est moi qui l'écris. L'émotion et la finance canadienne. Comment s'arracher les cheveux de sa tête. Je suis bon. Tu l'as lu? Non, je n'ai pas besoin. Le quatrième, l'enfant teflon et la génétique. On va comprendre ce qui se passe génétiquement dans un enfant teflon. Et l'incidence du système endocrinien sur notre psychologie. Ceux qui ont encore une psychologie. Ça va être prêt à la pause. Donc, se libérer du passé. Est-ce qu'on doit se libérer du passé? Ou on ne peut gratuit, pas s'en servir? Gratuit. Ah oui, le journal est gratuit. Pas de passé. Le passé coûte cher. Est-ce qu'on doit se libérer du passé? Parce qu'on peut s'en servir du passé si on a un beau curriculum vitae, on a un bel historique, on peut faire de l'argent avec ça. Est-ce que les prisons, ça te sert? Est-ce que les prisons, ça te sert, toi, socialement? Pas vraiment. Ben oui, ça me sert. Ça, et voilà. ça élimine... Est-ce que tu vas te libérer des prisons? Non. Voilà. Quand le passé nous sert, on n'a pas à s'en libérer. C'est quand on sert le passé qu'on a à s'en libérer. Alors, le passé, on doit s'en libérer. Pour celui ça qui ne nous empêche pas de nous en servir. Celui qui est en prison, il aimerait mieux se débarrasser des prisons. Oui, parce que là, lui, il est mal pris. La prison, il ne se sert pas de la prison, lui. Mais nous autres, ça nous arrange. Mais est-ce que chacun de nous autres, chacun de nous, notre passé est une prison ou un handicap? Oui, un gros handicap. Un handicap. Au carré. Toutes les personnes qui vivent sur la planète présentement sont handicapées, c'est évident. La preuve, ils ont besoin de religion, ils ont besoin de thérapie, ils ont besoin de sages, ils ont besoin d'espoir, ils ont besoin de psychologues, ils ont besoin de patients quand ils sont psychologues. Ils ont besoin de médecins à cause des maladies psychosomatiques, ils ont besoin de... Oui, des loteries, mais l'espoir, c'est la même chose. Ils ont besoin de la drogue, ils ont besoin de la boisson, ils ont besoin de manger beaucoup, ils ont besoin de se distraire. Tout ça, c'est à cause du passé. Si l'humain n'est pas handicapé, il a même besoin de faire la guerre, il a besoin de faire la paix, il a besoin de prier, il a besoin de chanter, il a besoin de lire des livres, il a besoin de fouiller, mettre son nez dans les affaires des autres, il a besoin de juger, il a besoin d'avoir peur de se faire juger. Et tout ça, c'est l'apanage du passé. Mais c'est aussi le présent. C'est pas le présent. C'est pas le présent, non, c'est le passé. On vit le passé. On vit pas le présent. On vit pas assez le présent. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on traîne dans le passé? Du passé. Notre ego. L'ego n'est pas l'égal du présent. Voyez-vous, toi, par exemple, puis tout le monde, je peux prendre un autre exemple. La personne debout en arrière, personne. Pourquoi les humains recherchent-ils des solutions? Parce qu'ils ont un problème. Ou des problèmes. Ils ont un problème. Ah, ils ont des problèmes. Et ces problèmes-là, c'est des problèmes qui sont réels ou qui sont faux? J'allais dire intelligemment, ils sont faux. Mais égoïquement, ils sont vrais. Bon. On peut considérer qu'une partie des problèmes sont, disons, réels. Puis, il y a d'autres problèmes qui le sont probablement moins. Quand l'humain dit, tu sais, on en parle aujourd'hui puis on en rit, là, mais à l'époque, c'était pas drôle. Si on en rit aujourd'hui, c'est parce que c'est drôle. Puis si c'est drôle aujourd'hui, c'est que c'était drôle à l'époque. Pourquoi t'en riais pas à l'époque? Parce qu'on était probablement émotivement touchés à l'époque ou... Parce que t'étais totalement manipulé par ton passé. T'étais pas là. Pourquoi l'humain veut-il changer? L'humain veut changer. Enfin, ceux qui viennent ici, ils veulent changer quelque chose. Mais ceux qui vont dans les religions veulent changer quelque chose. Ceux qui vont dans les à l'école, ils veulent changer quelque chose. Ceux qui achètent des livres, ils veulent changer quelque chose. Même celui qui lit un roman pour fuir dedans, il aimerait changer son monde pour l'autre. Pourquoi l'humain veut changer quelque chose? Parce qu'il n'est pas bien où il est. Ou quand il est. Ouais. Puis là, pourquoi il n'est pas bien? Pourquoi sommes-nous mal? Parce qu'on a de la conscience. Parce qu'on conscientise un état aberrant dans lequel on est. Parce qu'on conscientise une limitation aberrante qui avec laquelle on doit vivre. Parce qu'on conscientise une maladie, une problématique. Parce qu'on conscientise une faiblesse. Parce qu'on conscientise une petitesse. Parce qu'on conscientise peut-être une grandeur qui n'est pas exprimée. Alors on veut changer. On veut changer. Il y a deux choses. On veut changer les choses, ou à un moment donné, on veut se changer. Hein? Parce que puis l'humain peut aussi vouloir changer les deux. Mais pourquoi on veut se changer? C'est parce qu'on a de la conscience. Si on a de la conscience, ça veut dire qu'on voit les choses claires, puis on se rend compte qu'on est dans une forme d'aberration, qu'on appelle l'évolution. Bon. Si l'humain veut changer, c'est parce que l'humain a suffisamment chez lui la capacité de reconnaître l'intelligence. L'intelligence, définissons ça simplement comme ce qui vous semble avoir de l'allure. L'intelligence, c'est pas une grande affaire. Ça semble avoir de l'allure. Alors, on veut changer pour aller là. Mais tiens, pourquoi on doit changer pour aller là? C'est parce qu'on n'est pas là. Ça, c'est logique. Puis si on en a... Rappelez si on est mort, lui, à force de dire des choses comme ça. Si on n'en avait pas conscience que cet état-là... Alors, on ne voudrait pas changer. On ne voudrait pas y aller. On ne saurait pas. Mais pourquoi on n'aurait pas conscience de... As-tu conscience des choses que tu n'as pas conscience? Non. C'est parce que tu n'es pas là. Si tu n'es pas là, c'est que tu n'es pas ça. Ça veut dire que quand on a conscience de quelque chose, c'est parce qu'on est prêt à y aller? Non, on n'est pas prêt à y aller, c'est parce qu'on y est. Mais on y est, mais on l'a pas, on l'exprime pas. Ben oui, on l'exprime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le passé. C'est pour ça qu'il faut se libérer du passé. C'est quoi? Pourquoi on veut changer? Mais pour changer, déjà, il faut qu'on voit que où on est, c'est pas correct. Puis il faut qu'on voit, qu'on ait une idée. Même si on ne peut pas cibler exactement, on a déjà une idée de ce qu'on veut être. On peut dire d'où ce qu'on veut aller. Ça peut être au niveau du temps, au niveau d'une société intelligente, ou au niveau de notre état. Mais si on veut changer, c'est parce qu'on voit déjà une structure de départ, là où on est, qui ne nous plaît pas. Puis si ça ne nous plaît pas, c'est parce qu'on est conscient. On est conscient, pourquoi? Parce qu'on a de l'intelligence. Puis on a de l'intelligence, et l'intelligence nous fait voir les choses. Puis automatiquement, l'intelligence, ça te révèle totalement ce que tu es. Parce que pour vouloir être, par exemple, quelque chose de particulier, tu l'es déjà. Il y a juste une personne qui est quelque chose, qui peut voir ce que c'est. Il y a juste une personne qui voit clair, qui peut te parler des couleurs. Bon, l'aveugle ne peut pas. Puis quand l'aveugle va commencer à voir clair, il va commencer à te parler des couleurs. L'humain qui dit, j'aimerais être, par exemple, plus pacifique. C'est parce que la paix vous habite. Parce que sans ça, vous savez pas c'est quoi être pacifique. Vous savez pas c'est quoi être en paix. Mais si vous voulez être en paix, c'est, vous avez une idée de ce que c'est qu'être en paix. Bon, peut-être qu'on n'est pas conférencier ou conférencière, peut-être qu'on ne peut pas le dire, le phraséologiser, mais on sait ce qu'on veut. Mais si on ne peut pas l'être, si on ne peut pas l'avoir, cette paix-là, ou l'être... Tu l'es déjà. Oui, mais l'exprimer. Totalement, c'est qu'est-ce qui nous en empêche? C'est notre passé de la vie actuelle, notre éducation, notre environnement ou une réincarnation? C'est toute la même affaire. Tout ça. C'est toute la même chose. Tout le passé de l'humain, la majorité des humains sont constitués d'approximativement 30 millions de structures réincarnationnelles. Plus ou moins deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça, il faut comprendre déjà, que lorsque l'être humain est venu au monde, les parents ont mélangé leur génétique pour engendrer un corps de chair. Les parents ont mélangé leur énergie vitale, surtout la femme qui va donner le sien, qui va donner la vie au corps de chair, donc aux cellules, qui va les animer, les nourrir, puis leur permettre une croissance. Et dans l'astral, il se passe des choses, parce que pour améliorer les corps physiques, on doit mélanger les génétiques. Ça, c'est du clonage agricole, puis tout est pareil. Et puis, Dans l'astral, il se passe la même chose. Dans l'astral, il se passe que, en fonction du corps physique, si votre cerveau est capable de mathématiques, il y a des mémoires de mathématiciens qui vont descendre chez vous. Si vos pieds sont capables de courir, il y a des mémoires de courseurs qui vont descendre chez vous. Puis si vos doigts sont capables de jouer de la musique, il y a des mémoires de musiciens qui viennent. Puis si votre bouche est capable de gueuler, il y a des mémoires de gueulards qui viennent. Puis si vous avez un système endocrinien capable d'exprimer la peur, il y a des mémoires de peureux qui descendent, de peureuses. Et tout ça va faire en sorte qu'on a un ego pluriconstitué. Et il est constitué d'approximativement 30 millions de réincarnations à caractéristiques familiales. Bon, il n'y a plus que ça de réincarnation, 30 millions, c'est banal. Mais au niveau des structures familiales, on considère 30 millions. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire approximativement 30 millions de lignées familiales vous ont précédé. Et nécessairement, il y a plusieurs personnes à travers chaque lignée familiale, et tout ça complet, ça nous habite. Alors, vu que ça nous habite, nécessairement, ça veut vivre à travers ce que nous sommes. Et vu que ça veut vivre à travers ce que nous sommes, ça veut vivre ce que ça l'a vécu. Ça veut pas vivre aller sur la Lune. Ça veut vivre ce que ça l'a vécu. Ça veut vivre ce que ça l'a connu. C'est de la mémoire. Pour vivre, est-ce qu'une mémoire doit nécessairement revivre un même phénomène? C'est-à-dire que si la mémoire vivait d'autres choses, elle ne vivrait pas autrement. Exact. Elle ne s'exprimerait pas, elle ne vivrait exact. Pas. Donc, les mémoires du passé qui viennent nous habiter veulent nous forcer à vivre ce qu'elles ont vécu de façon à être alimentées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des goûts particuliers que vous n'avez pas développés dans cette vie, qui sont déterminés en partie par la génétique du corps physique, qui, elle, est l'alliance des 30 millions de lignées familiales. On ne descend pas de... Je descends de mes parents, mais mes parents viennent de leurs parents. Puis ces parents-là viennent de leurs parents. Puis ça vient, puis ça vient, puis ça vient, puis ça vient, puis ça vient, puis ça arrive souvent à faire plein d'enfants. Bon. Et puis là, maintenant, on est 30 millions de lignées familiales. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que génétiquement, en partant, déjà là, tu auras les goûts de tes lignées familiales. Mais en même temps, tu vas attirer des gens qui vont être capables de se servir des mémoires du passé, qui vont être capables de se servir de ces goûts-là. Alors, on aura des goûts physiques. Et on aura des goûts émotifs, psychologiques. Les goûts émotifs et psychologiques sont encore déterminés, non pas par nous. Bon, aimez-vous Beethoven? Quelqu'un dit non. Pourquoi t'aimes pas Beethoven? Parce que j'aime pas Beethoven. T'as-tu décidé que t'aimais pas Beethoven? Mais j'ai décidé que je l'écoutais pas. D'accord. Mais as-tu décidé que tu l'aimais pas? Ben non, j'aime pas ça. Ouais. Mais vous avez pas décidé. Comment ça qu'il y en a d'autres qui, si eux, aiment Beethoven? Ils aiment écouter Beethoven. Ils aiment ça Beethoven. Ils trippent sur Beethoven. Ils n'ont pas décidé. Il y a un moment donné, ils ont entendu du Beethoven, puis ils se sont dit, hey, que maudit que c'est beau. Puis là, on va fouiller, puis on va fouiller, puis on va fouiller. Si on fait l'arbre généalogique jusqu'au passé, on va se rendre compte que Beethoven était dans la famille, Beethoven était dans les amis. En tout cas, Beethoven était près de personnes qui, dans le passé, sont reliées génétiquement aux individus qui aiment Beethoven ou qui n'aiment pas Beethoven. Les personnes doivent donc comprendre certaines choses. Pourquoi sommes-nous facilement racistes? Pourquoi on est raciste? Et quand je demande pourquoi on est raciste, ça veut dire que je considère que presque tout le monde est raciste. Je parle du racisme ethnique, raciste humain, et non pas du racisme de l'initié. C'est autre chose. Pourquoi l'humain est raciste? Plusieurs personnes me disent souvent, ah, moi je suis pas raciste, moi je suis pas raciste. Et, les Noirs, moi je suis pas raciste, les Noirs c'est pas une race. Fait que, un autre me dit, moi je suis pas raciste, moi les Noirs, j'ai rien contre les Noirs, on devrait tout en avoir un dans sa cour. Bon. C'est des farces. Mais les gens ont une consonance raciste. Les hommes, sommes-nous sexistes? Puis les femmes aussi, souvent. Souvent les hommes, non, moi je suis pas sexiste. Mais dans leurs propos, souvent, il y a un propos qui est sexiste. Puis la personne n'est pas, elle n'est pas sexiste, elle n'a pas peut-être un propos sexiste. Pourquoi les personnes sont racistes? Les Vietnamiens, les Chinois, les Japonais, les Allemands, les Noirs, surtout les Noirs. Les Noirs, on les aime pas les Noirs. Les Noirs, c'est bien compliqué. Et les Noirs aussi sont racistes par rapport aux Blancs. Bon. Pourquoi? Fondamentalement parlant. Il y a des personnes qui me disent, moi, je ne suis pas raciste. Parfait. Et là, ils se promènent dans un quartier noir, puis on peur tout le temps qu'ils traversent. Donc, ils sont racistes. Pourquoi? Parce qu'ils attribuent au peuple noir des choses qu'ils n'attribuent pas au peuple blanc. Dernièrement, moi, j'ai été dans le nord du Québec, puis une grande partie des habitants de la place où j'étais, c'est des Inuits. Des Autochtones du Nord. Et là, tu te promènes dans la rue, tu rencontres un blanc, tu rencontres deux blancs, trois blancs, un Inuit, puis ton ego, il se prépare à se battre. Puis quand il est passé, un blanc, deux blancs, trois blancs, un Inuit, puis là, ton ego, il commence à critiquer puis à juger. J'étais avec du monde, là, puis c'est une vraie farce. Une vraie, vraie, vraie farce. Tu sais comment il s'habille mal, tu sais, c'est du monde. Mais oui, puis là, on regarde un autre qui passe, c'est un blanc à lui. Lui, il manque un bras, il est sur un bicycle tout petit, il est tout crotté au complet. Puis lui, il passe. « Hey, tu veux qu'on soit le bicycle? » On parle pas du blanc, on parle du bicycle. Et quand on voit une minute passer, là, parce qu'elle fait une culotte un petit peu entre les deux genoux, ben là, on trouve qu'il est mal habillé, lui. Mais là, on parle de l'Inuit, on parle pas des culottes. C'est des culottes qui sont mal humanisées. Mais non, on dit que c'est l'humain qui est mal habillé, qui est mal culotté. Il y a du racisme. Pourquoi l'humain est raciste? Je suis allé en Afrique il n'y a pas tellement longtemps. Ouais, tu avais plus peur que quand c'est que... Je suis sûr que tu trouvais ça très noir comme initiation. Mais effectivement, on n'a pas... En tout cas, j'avais peur. En gros, si. Moi, j'étais au Guatemala. Les premiers Mayas que j'ai rencontrés, il y avait certains peuples, parce qu'il y a plusieurs mélanges, qui m'inspiraient confiance. Aucun problème, j'allais avec eux, je marchais dans leur village, la nuit, n'importe quand. J'en rencontrais un, j'avais pas peur, je rencontrais une gang de jeunes, puis ça a clou bouteille, puis ça boit. Puis j'avais pas peur, ils me faisaient rien non plus. Puis j'ai été dans d'autres villages où on m'a dit franchement, il fallait même pas qu'ils boivent. Puis déjà là, je m'apprêtais à... j'avais l'impression que j'aurais me battre. Je me suis jamais battu. J'étais donc raciste. Mais pas contre les Guatémaltèques, contre certains. Puis contre... pas contre d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que moi, à un moment donné, je portais un nom, c'était Sembrador del Trigo, c'est le nom qu'on m'avait donné. Ma mère adoptive, qui était une sorcière, m'avait appelé comme ça, ça veut dire semeur de blé. Et puis, j'ai vécu certaines choses, et puis à un moment donné, j'ai cheminé jusqu'au Guatemala, jusqu'à Tikal, pour être précis, j'ai été arrêté par les prêtres mayas. Parce que je perturbais, j'avais des cheveux blonds à l'époque, et puis j'avais les yeux bleus encore comme aujourd'hui, ça restait un peu, et puis je perturbais pas mal, et d'ailleurs j'avais été banni de la famille parce que j'avais les yeux bleus et les cheveux blonds, puis ça allait pas comme il faut, puis elle m'avait appelé Sembrador del Trigo, pourquoi? Parce que les cheveux blonds, le blé, c'est intéressant, et puis le maïs à l'époque était quand même assez connu, puis elle avait des grains de blé, c'est pas le blé qu'on connaît aujourd'hui, c'est un blé sauvage. Et puis, je me promenais comme ça, je fais une grande gueule encore, bon. Et puis finalement, j'ai fini sur la pyramide Tikal, la pyramide du Grand Jaguar à Tikal, et j'ai été sacrifié aux dieux. C'était aux dieux. C'était aux dieux, oui. Et là, c'est les Mayas, mais c'est un type de Mayas. Ça, les Kichéas, c'était là un paquet de ça. Puis il y en a là-dedans qui m'avaient toujours bien accueilli quand je me promenais, puis présentement, quand je retourne dans ce pays-là, il y a des places, quand j'étais à Tikal, je suis arrivé par en arrière, je me perds toujours, moi, là, mais je me perds toujours où je vais, ça va bien. Et puis là, j'ai vu une montagne, puis j'étais avec deux personnes, puis je leur ai dit ça, c'est une pyramide. Ben, comment c'est que c'est ça? Ben, c'est une pyramide. On a grimpé la montagne, quand on est arrivé en haut, l'autre côté, elle avait été découverte. Les archéologues l'avaient nettoyée. Fait que là, c'était facile de voir. Il y avait les marches qui menaient à des stèles, etc. Ben, tu vois, je connaissais la place au complet, tu sais, je comprends, j'étais déjà venu. Et il y a des villages où j'ai été, à Quetzaltenango, le lieu où vit le Quetzal, je me sens chez moi. Mazaltenango, je me sens chez moi. Puis il y a d'autres régions, Puerto San José, ça va vraiment mal. Et il y a des régions comme ça. J'étais au Pérou, d'ailleurs, je faisais partie du Pérou, puis j'avais migré jusqu'au au Guatemala. Même chose, il y a des régions au Pérou que c'est impeccable, il y a d'autres régions que je déteste, Puis les Pérouviens qui sont là-dedans, c'est tous des torieux. Puis je vois une autre place, c'est les mêmes critiques pérouviens qui sont tous parfaits. C'est le peuple. Pourquoi on est raciste? Pourquoi les Noirs ont des... Pourquoi on a des problèmes avec la race noire, entre autres? Mais je vais vous le dire pourquoi. Parce que... Puis là, je vais dire vous. Hein? Il y en a qui sont vraiment pas racistes, pas d'autres que je parle. Mais on va simplement cesser de faire la diplomatie. On va y aller juste pour expliquer le racisme, pour donner un exemple de comment le passé vient nous ramasser. Pourquoi donc vous êtes racistes? Pourquoi on est raciste, on va dire, avec les Noirs? Comme ça, on va se mettre dans l'eau. C'est simple. Parce que à l'époque où nous sommes venus en Amérique, non seulement nous avons capturé des Hurons, des Iroquois, donc des Mohawks entre autres, et on a commencé à les vendre, on les exportait dans le sud des États-Unis, comme esclaves. On les vendait. Et c'était extrêmement rentable. C'était parfait. Puis comme c'était des sauvages, on vendait des chevaux, des bœufs, puis des Indiens. C'était pareil. Il n'y avait aucun problème. C'était même incorrect. Je leur montrais le crucifix, là, puis ils s'en servaient aux autres pour creuser, tu sais, fait que c'était nécessairement des sauvages. Ils se rendaient pas compte que, bon, c'était facile de juger, c'était bien facile de juger. Ça parlait en latin, ils te répondaient en mohawk, puis ils arrêtaient. C'était des mots. Bon, ça n'avait pas d'âme. La femme venait d'en avoir une il n'y a pas longtemps. Les Indiens, il fallait le laisser le temps. Un peu avant, nous sommes allés en Afrique, toi entre autres. Il est allé chercher des noirs. Et par cargaison de bateaux, cordés comme du maïs, ça mourait à la moitié là-dedans, parce que celui d'en haut, il était avantagé, parce qu'il faisait ses besoins sur ceux d'en bas. Mais en bas, eux autres, c'était emmerdant pas mal, tout le long, en tout cas. Puis c'est vrai. Et on les cordait de coucher de côté, là, dans des petites cages, là, puis ça finissait là. Puis on arrivait dans les Antilles, on arrivait aux États-Unis, on en a eu au Montréal. On n'est pas tous des Montréalais, hein? Il y a plusieurs qui réincarnent de l'Américain et du Britannique. Évidemment, de l'Européen, du Français, de d'autres nations. Nous sommes des esclavageurs. On est allé en chercher, on en a amené, on en a vendu, on s'en est servi. Et c'est génial. On parle des familles. On descend de ces familles-là. Des familles qui ont fait du troc, qui ont vendu énormément. Alors, ce qui arrive, c'est quand je parle, on descend, c'est ça. Il y a un paquet de mélange, les familles, ils m'ont donné des guerres, des pays, ça s'est réparti un peu sa planète. Alors, nécessairement, maintenant, quand on rencontre un noir, non seulement on rencontre un ex-esclave qui, maintenant, prétend d'être à notre hauteur. Là, je parle de notre passé. C'est notre passé qui veut pas. Ton passé, toi, quand tu rencontres les noirs, le passé qui réagit chez toi, qui est donc raciste, celui qui fait que tu deviens raciste, c'est celui qui l'a, à un moment donné, ramassé. Pas cet individu-là, cette race-là. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'aujourd'hui, on a une conscience qui dit qu'on ne doit pas être raciste. En tout cas, on ne peut pas prendre un peuple et le mettre en esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on accepte ça aujourd'hui, d'avoir une égalité raciale, ça veut dire qu'on doit forcer nos réincarnations, peut-être 20 ou 30 réincarnations qui sont très fraîches parce qu'ils datent de pas longtemps, qui nous habitent, on doit forcer ces réincarnations-là à admettre qu'elles se sont trompées. C'est orgueilleux dans le passé. Ça veut pas admettre. Donc là, il faut l'éliminer, cette réincarnation. Mais si les maudits noirs, ils seraient pas là, il y a personne qui viendrait parler de racisme. Puis nos réincarnations se sentiraient bien. Fait que les noirs, quand on les voit, ils stimulent automatiquement une culpabilité chez nous. Cette culpabilité-là, elle est exprimée comme les parents qui battent leurs enfants souvent. Tu veux dire à ton jeune que tu l'aimes, t'es tellement pas capable qu'à un moment donné, tu t'es une maudite quand t'as une face, s'il n'existerait pas, tu souffrirais pas comme ça. Tu l'aimes, mais tu le tues. On souffre d'une culpabilité particulière qui est attribuable à la nation blanche, entre autres, qui a été la nation qui a mis le plus de peuples en esclaves. C'est logique. Les Juifs ont été rendus esclaves par les Romains. Les Romains en avaient plein. Toutes les conquêtes, les Macédoniens, ils ont fait. En tout cas, les Grecs le faisaient. Tout le monde le faisait. Et les Mayas aussi. Les Mayas faisaient dormir les esclaves dans des petites cruches. Tu pliais un petit morceau d'une cruche. Puis quand tu en avais besoin, tu sortais. Puis s'ils sortaient pas, ben tu l'enterrais. Les génies en bouteille, ils étaient là-dedans. Ils étaient morts. Ouais, c'est sûr. Hein? Alors, quand on rencontre les Noirs, qu'est-ce qu'on vit? Ben, ce qui se passe chez nous, notre passé réagit. Et notre passé réagissant fait que nous sommes, nous, les êtres vivants d'aujourd'hui, pas le passé, et on est obligé de contrôler des mécaniques. Ça veut dire qu'intelligemment, on comprend qu'il n'y a pas de différence, mais égoïquement, on n'accepte pas qu'il n'y a pas de différence. Tous ceux qui disent ici qu'ils ne sont pas racistes, c'est qu'ils ne sont pas racistes. La problématique, c'est que je garantis que je les amène dans certaines régions, puis on va voir que chez eux, le racisme existe. Mais ces personnes-là ne sont pas racistes. Mais le passé qui les habite est raciste. Alors, les personnes devront, à un moment donné, faire des efforts pour côtoyer certains individus. Hein? La majorité ne sont pas racistes. Par exemple, en face des Noirs. Serrez-leur la main. Plusieurs ont un dégoût à serrer la main d'un Noir. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vos mémoires réincarnatives, serrer la main d'un Noir, d'un esclave, d'un serviteur, d'un etc. Puis les Noirs, à l'époque, n'étaient pas propres. C'est sûr, on gardait l'eau pour nous autres. Serrer la main d'un noir, c'est serrer la main d'un sale. Il y en a qui vont dire, oh, mais moi, ça va, mais tu sais, mais c'est... Ouais, parfait, maintenant, embrassez-le. Bon, Oui, ça rit. Il y a du racisme. Et là, je me dis, il faut faire attention, nous ne sommes probablement pas racistes. Mais il y a du racisme chez nous. Mais comment ça se fait que dans les autres races, ben c'est à cause de l'esclavage? J'ai rendu un esclave. Parce que les autres races, je suis allé dans d'autres pays du monde, en Chine entre autres, c'est vraiment pas ce sentiment-là. La majorité des peuples qui ont mis en esclave les autres races se sont réincarnés dans un pays qui porte le nom d'États-Unis d'Amérique. Et toutes les races détestent les Américains. C'est le peuple à détruire. Moi, j'étais dans des pays de l'Amérique centrale puis d'Amérique du Sud, et il faut bien expliquer que je ne suis pas américain. Sinon, je suis un gringo, puis un gringo, c'est un étranger qui est détesté. Quand on voyage un peu, on apprend assez vite qu'il faut notre accent français, il faut le garder. Oui, tu mets le drapeau du Québec, du Canada, mais tu ne mets pas rien d'autre. Il faut leur expliquer qu'on est au nord des États-Unis, qu'on n'est pas américain, etc. C'est ça. Tu parles français. Tu vas en Allemagne, tu vas à peu près n'importe où, c'est la même chose. Bon, les Américains sont détestés. On va dire, oui, c'est à cause qu'ils ont volé, ils ont aussi, c'est pas ça. Ils ont rendu plein de pays pauvres, pas mal plus riches. Puis, prenons l'exemple du Guatemala. 97% des terres cultivables appartiennent à approximativement à 10% de la population. Bon, ils sont à peu près 7 millions là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité de la population doit cultiver dans la jungle. Il n'y a pas de terres cultivables là. Alors, ils travaillent pour les fermiers. Mais les fermiers sont des Guatémaltèques qui vendent leur production aux Américains. Les Américains ne payent pas trop cher, puis ils payent. Les producteurs sont riches. Mais eux exploitent leur peuple. Et le peuple déteste les Américains. C'est pas parce que les Américains sont venus voler. Ils n'ont fait des conneries. Mais les Allemands n'ont fait des conneries. Les Allemands sont bien moins détestés de la planète que les Américains. Hein? Puis ils ont fait bien plus de conneries dernièrement que les Américains. Sauf que les Américains réincarnent la population de ceux qui ont toujours été à la tête au niveau d'évolution planétaire, et ils le sont encore aujourd'hui. Donc, c'est ceux qui, à l'époque, en fonction des philosophies puis des mentalités, rendaient les gens esclaves. J'ai déjà expliqué que les Américains réincarnaient les Romains, entre autres. Que le peuple québécois réincarne les Allemands, entre autres. Bon, les Romains, c'est des bâtisseurs, mais en même temps, il y avait des esclaves, etc. Puis les Romains réincarnaient d'autres peuples aussi. Alors, ce que l'on comprend simplement, c'est que tout ce qui nous inhibe dans notre vie, tout ce qui nous nuit dans notre vie, procède uniquement du carcan du passé. Donc, on doit se libérer des réincarnations du passé, c'est-à-dire qu'on doit les digérer. Tout. Avez-vous peur de... Quand quelqu'un sacre, c'est pas correct que moi je sacre. Vas-y, sors de mon gros sacre. La misère, là, ça va m'en emmener. Je suis inhibé, ouais, c'est ça. Oui. Non, mais là, dans cet état-là, je ne suis pas capable de sacrer. Exactement. Premièrement, pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que j'en vois, ça ne s'aimerait pas, là. Bon, c'est juste dire un mot. C'est vrai. C'est juste dire un mot dans une phrase. Il y a des personnes qui, même si... De toute façon, je donne des exemples. Quelqu'un qui a un marteau que je me donne. Ça marche. Il y a des personnes, moi, je leur dis, attention, je vais sacrer. C'est un exemple. Okay? Là, tabarnak, écoute-moi bien, moi, sacré. Là, il y a du monde qui, tout de suite, il vibre. Pourquoi? Parce que dans votre passé, on vous a puni, on vous a brûlé, on vous a radié, on vous a excommunié, on vous a condamné, mais on vous a tapé dessus en masse, tout le temps de votre jeunesse ou de votre post-jeunesse ou de votre âge mûr ou de votre vieillesse. Puis il y en a eu des années, on parle peut-être de 1000-1200 ans, on va chercher des réincarnations là-dedans, où on a totalement été contrôlé par l'Église, ce qui fait que des mécaniques maintenant chez nous sont bien ancrées, et quand quelqu'un, dans certaines circonstances, va se mettre à sacrer, si on monte de classe, on réveille des réincarnations classiques chez nous, puis quand ça se met à sacrer, c'est soit qu'on a été instruit que ceux qui sont pauvres, c'est ceux qui sacrent, ça va pas, dans certains cadres, ou encore ceux qui sacrent vont aller en enfer, puis je dis pas que t'as ta tête à penser ça aujourd'hui, mais en dedans, ça bouge mal s'il faut sacrer, parce qu'il y a quelque chose de pas correct là-dedans, et certaines personnes, ça vibre mal s'ils entendent sacrer, mais c'est leur réincarnation. Parce que le mot, pourquoi il ne faut pas sacrer? C'est parce que chaque fois qu'on donne un mot, les Québécois, c'est des grands sacreurs. Bon. Au Mexique, ils appellent les tabernacos. Mais je sais, c'est ça, puis les petits, c'est les tabernakitos. Bon. Maintenant, pourquoi? Oui. Pourquoi? Simplement parce que quand une personne prend un mot religieux, ça fait partie des rituels de l'Église. Alors le prêtre, lui, peut prononcer ces mots-là. Le prêtre peut parler du Christ. Le prêtre peut parler du Saint-Sacrement ou du Sacrement. Le prêtre peut parler de l'hostie. Et le prêtre parle de ces choses-là, mais chaque fois qu'il prononce ces mots-là, il ramasse de l'énergie de l'égrégore de la religion. Alors les prêtres vont dire aux fidèles de ne jamais utiliser ces mots-là, parce que, ben justement, ils vident l'égrégore, ils ramassent de l'énergie pour eux autres, les prêtres veulent garder cette énergie-là. Alors, on ne veut pas, c'est sacré. Ça veut dire quoi, sacré? Ça veut dire que quand vous vous en servez, ça crée quelque chose. Bon. Et on ne veut pas. C'est ce que ça veut dire. Bon. Sacré de remous. Attends. Alors, on ne veut pas. Alors, nécessairement, on va dire qu'il ne faut pas prononcer ces mots-là. Et on va punir les profanateurs. Ils profanent pas. Parce que même quelqu'un qui ferait une messe chez lui pour l'Église, il profane. Bon, pourquoi il fait correct? Il profane. C'est-à-dire qu'il prend de l'énergie que les prêtres veulent se conserver. Alors, on a pris des mots, et quelles que soient les religions, il y aura des mots qu'il ne faut pas. Par exemple, si vous prononcez le nom, par exemple, de Mahomet, c'est sacré. Mais quand vous dites Mahomet, par exemple, son nom est béni, quelque chose comme ça, c'est correct. Il y a une façon de le prononcer. Il y a une façon de l'écrire. Bon. Allah, c'est la même chose. Quelqu'un qui ne le fait pas, c'est pas correct. Chaque fois que tu prononces Mahomet, le peuple peut s'en servir, mais il doit le bénir. Alors, quand tu prononces Mahomet, tu mets de l'énergie. Mais dans l'Église catholique, si tu dis le sacrement, tu ne mets pas d'énergie. Le Saint-Sacrement, tu commences à mettre de l'énergie. Mais pas beaucoup, pas encore assez. Quand mon père disait ça, je pense qu'il en mettait pas mal d'énergie. Mais lui, il en ramassait quand il était ça. Bon. Et c'est pourquoi, dans les corps vibratoires des individus, on leur a interdit, évidemment, de se servir de ces mots-là. Ce qui fait que, progressivement, à la longue, les individus finissent par être inhibés à certains mots. Et là, quand il se passe quelque chose au niveau social, maudit qui part mal. Et maudit, c'est pas correct. Puis dans d'autres niveaux, maudit qui part mal. Toutou. Puis l'autre, lui, c'est un fiefi qui se ramasse par les Anglais en masse. Toutou, tu parles de mal, toi aussi. C'est pas toutou. Chaque personne vibre à sa façon. Il y a des personnes qui sont séparatistes ici, à un point tel, qui sont séparatistes. Pourquoi? Parce que les autres, ils vivent de réincarnation, sont typiquement françaises. Donc, ils ont toujours été en guerre contre les Anglais, contre les Américains, finalement, contre les Canado-Anglais. C'est la même chose, les Britanniques. Les personnes, là, je donne un exemple comme ça. Pourquoi l'individu a-t-il peur d'être nu devant d'autres personnes? Même chose. Pourquoi? Ben, c'est à cause que c'est cochon. C'est pris ça où? Pour créer des meutes. Ouais, dans certains cas. On sait. J'ai pas dit dans quel bord les meutes. Les meutes. Attends, c'est les meutes. Mais, c'est la même chose. Et ça fait partie du processus rituel, par exemple, de la chrétienté, entre autres, de certaines églises, où l'humain doit tout faire pour se détester. L'humain, dans l'Église catholique, et c'est ce qui va faire en sorte que la grosse partie des choses que l'humain doit régler du passé, c'est la médiocratie. Si on ne peut pas présenter son corps nu devant quelqu'un, c'est qu'on ne l'aime pas. Le corps. Donc toi, tu n'aimeras pas les réactions d'eux. Tu as besoin de l'accréditation de l'autre, selon que le déguiser. C'est un exemple entre autres. La médiocratie était cultivée par l'Église. De ce fait, vous ne devez pas vous prendre pour quelqu'un d'autre. Être riche, c'est risquer de ne pas aller au ciel, donc rester pauvre, être médiocre socialement. Donner, prier pour recevoir, mais donner. L'Église ne priait pas pour recevoir. L'Église a dit à tout le monde, écoutez, il fait froid dans l'Église. Alors, tu sais, j'aimerais, je veux pas entendre vos bonnes dîmes, si j'aime les dons silencieux. C'est les gars, t'sais. Bon. Il y a des façons d'aller ramasser le bonhomme, il vient d'avoir un bébé avec sa femme, puis là, il veut le faire baptiser le bébé. Puis le curé, il dit, ouais, c'est le menuisier, toi, là, oui. Caché en haut, là. On va le baptiser le bébé, tu sais, mais j'aimerais ça entendre les cloches sonner comme il faut, moi, là, avant, tu sais. Bon. Donne, puis prie, qu'un jour, on va te donner. Et en plus de cela, le corps physique, il faut le cacher. Parce que l'ego s'exprime beaucoup par le corps physique. Alors, si tu caches ton corps physique progressivement, tu ne pourras plus t'aimer. Non seulement tu es un être déchu, t'es un être puni parce qu'un jour, une femme que tu connais pas avec un gars que tu connaîtras jamais ont bouffé une pomme. Bon, alors, t'es puni au bout, t'es un être puni, t'es diabolique, satanique, il faut qu'on te baptise, il faut qu'on te donne un paquet de d'initiation religieuse pour t'amener à quelque chose, puis encore là, t'es à l'église toujours, il faut que tu te confesses toujours, ben, t'es pas correct, t'es un être de péché. Et votre corps physique est un organe planétaire de péché. Croissez, multipliez-vous, mais voyez-vous pas. C'est déjà compliqué. Vous comprenez l'idée? Et pourquoi? C'est pas une question de sexe. Et là, on va commencer à interdire le plaisir. Le plaisir, vous n'avez pas le droit. Vous le méritez pas. Fini. Alors, je me rappelle d'une époque où les personnes allaient se baigner. La femme puis le bonhomme, ça mettait un costume de bain. Ça partait des chevilles, ça allait jusqu'au poignet, ça arrêtait ici. Et je baignais. C'était rouge et blanc, bleu et blanc. Il y avait de la mode là-dedans. Bon, la femme avait un petit bébé là en plus. Des froufrous. Des froufrous, ça. Mais elle se baignait. Aujourd'hui, là, habillez-vous comme ça, puis allez vous baigner. Allez vous baigner tout seul sur le bord d'un lac en nature, là. Tu sais, ça veut dire que le monde va rire de moi. Sinon, allez quelque part où le monde ne rira pas de vous. Et rentrez dans l'eau, bien de même, puis sortez de l'eau. Quelle impression vous allez avoir en sortant de l'eau bien comme ça? Elle était faite, elle était faite sans maudit. Là, on est rendu au bikini, au mini-kini, au tunukini, puis au potkini. C'est la même chose. Les gens ont progressivement su digérer leur réincarnation qui les inhibait au niveau du corps physique. Comme j'expliquais, il y a eu longtemps... Mais là, c'est plus désinhibé, là, c'est libéré. Quand tu te promènes avec des dizaines pour faire un costume de bain, c'est pas plus intelligent que d'être trop habillé. Mieux de pas en avoir non, pendant tout. Oui, mais c'est pas la même chose. Là, la personne, elle a digéré. Elle est ni libérée, ni désinhibée. Elle est libérée, pas dans le sens psychologique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus assujettie au freinage des réincarnations. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'elle, effectivement, dans sa libération, elle va exagérer les choses, alors que dans la désinhibition, elle va aller directement à un résultat qui est attendu. Par exemple, la jeune fille qui se promène justement avec un dixaine comme costume de bain, puis après ça, elle va avoir l'impression que les gars sont cochons. Il y a des mécaniques qui sont évidentes, c'est que le mâle préfère dessiner la fille plutôt que de la voir. Fait que, autrement dit, faut pas qu'elle soit tout nue. Si elle est tout nue, ça excite pas grand monde, mais si elle n'est pas tout à fait tout nue, ça excite énormément. Et la fille, elle rentre dans un égrégore particulier parce qu'elle, elle est convaincue, elle ne peut pas s'aimer si les gars ne la regardent pas. Fait que là, c'est là que commence la grosse course, elle ôte un morceau de graisse là, puis fait fondre une affaire là-bas, puis pousse une affaire là, puis bon. Tout ça parce que l'humain ne s'aime pas. Pourquoi l'humain ne s'aime pas? Encore pour la même chose, c'est qu'on a appris à travers nos réincarnations, à travers les hiérarchies qui ont été imposées, à s'aimer seulement si on nous autorise à aimer. Mais les réincarnations, il y a aussi les influences actuelles. On a fait un... Oui, mais c'est quoi les influences actuelles? C'est tout le passé qui vient là. C'est la tradition sociale. Oui, mais il n'arrête pas de rentrer, les réincarnations. Tu disais à un moment donné qu'on se réincarnait 24 heures sur 24. On a dessiné des épées. Non, jamais dit ça. Jamais. Ça se réincarnait chez nous 24 ah, heures sur 24. C'est autre chose. On a dessiné des épées à un moment donné, des jeunes de 25 à 42 ans. Puis on se battait avec des fleurets, puis des anciennes épées, puis toutes sortes de fleurets. Puis on a réalisé que quand un fleuret, par exemple, a une démarche qui est plus aristocrate et qui est plus finie. L'autre, puis quand je prenais une épée qui ressemblait plus au temps des chevaliers, les arbres tombaient. Mais à crier comme un débile, puis tout le monde... Mais ça, juste à changer d'instrument, là. C'est que quelqu'un qui dit « je crois pas à l'incarnation », vous essayez de ça, vous allez voir, juste à prendre la façon dont on le tient, c'est... Exact. Mais ça, c'est pas nécessairement... Est-ce que c'est nécessairement de l'incarnation qu'on a, ou c'est quelque chose qui nous ramasse non, à cause de l'ombre de forme? Non. La chose, elle vient t'instruire de comment le tenir là, parce que chez toi, il y a toutes ces mémoires-là. Fait que si de toute façon, pas, ça là, il y a certainement quelque part dans ta famille quelqu'un qui a vécu à l'époque des chevaliers. Oui, probablement. Hein? Bon. Ben, Ouais. Donc, mais toutes les autres qui étaient là, ça me... Voilà, sans ça. Bon, c'est pas bien compliqué. Hein? Votre famille n'est pas apparue, pouf, comme ça, en l'an 1829. Ils ont eu des parents. Qui ont eu des parents, qui ont eu des parents, qui ont eu des parents. Puis effectivement, si tu donnes un fleuret à quelqu'un, immédiatement, il se place comme ça. Ouais. Correct ou pas correct, a-t-il appris, a-t-il pas appris, il a vécu cette époque-là. Donne-lui un épée, puis là, c'est... Ah! C'est un imbécile, c'est un câble, tout de suite. Puis là, tu t'as peur qu'il vienne te... Tu t'as peur qu'il se contrôle mal. Ouais. Puis le fleuret, c'est moins pire. OK? On a même découvert, comme ça, comment il tuait l'adversaire. Parce que comme dans le temps des chevaliers, par exemple, on coupait ça ici, là, tu sais, comme ça à deux mains. Puis avec le fleuret, c'était pas ça. On essayait d'atteindre le cœur. Ou... Oui, chaque famille évolue à sa façon. Hein? Bon, eux autres, ils font des... Il y a eu le temps d'être mécanique. Oui. Ben, ma plus jeune, qui vient de Chine, elle apprenait l'épée, puis elle se la mettait sur le front comme ça. Puis elle se penchait, puis elle disait, papa, fais ton signe avant. Elle avait un signe. Elle plaçait son épée sur son front, puis... Quel âge est-elle? 6 ans. Bon. Là, il faut comprendre l'idée. OK, c'est une Chinoise 100% chinoise. D'ailleurs, c'est la première adeptée au Canada. Alors, elle prend son fleuret. Puis qu'est-ce qu'elle fait? On sait tous les deux qu'elle réincarne de probablement une reine ou une princesse chinoise. L'aristocratie chinoise, c'est évidemment. On le savait dès au départ, mais on le sait. OK, mais je peux expliquer un peu. Elle, nécessairement, dans ses dernières réincarnations, elle a été colonisée par les Britanniques. La Chine a totalement été britannique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nécessairement, dans la haute aristocratie, leur a montré à faire de l'escrime, à jouer au tennis, à faire des petites choses. Et nécessairement, quand on fait évoluer les peuples, quand on les conquérit, on garde des traditions chez eux, puis on leur ramène un peu les nôtres. Donc, dans l'escrime britannique, quand on salue, on prend le fleuret, on pointe l'adversaire à peine, on le place en avant et on donne un coup de travers de côté. Puis après, on en garde. Elle place son fleuret en avant, elle salue à l'oriental, la partie qu'ils ont dû conserver à l'époque où ils ont éduqué, parce que les orientaux saluaient tout le temps. Alors, pour adopter un nouveau salut, non, faut salut. Alors, place ton épée et salue, et on commence. Ouais, puis quand elle nous touche, elle dit « touch ». Oui, elle, bon, c'est intéressant en plus, elle parle français ou chinois, elle dit « touch ». Pourquoi? Les Britanniques leur ont expliqué comment on disait les mots. Et là, elle justement, elle sait tout ça au complet. Ce qui est très important, c'est que vous prenez un arme à feu, un revolver, un vrai ou un faux. Comment le tenez-vous? Comment l'armez-vous? À quoi vous ressemblez quand vous le tenez? À un shérif? À un bandit? À un épée? À une épaisse? À quelqu'un qui a de l'allure? Comment on l'arme? On le tient comment? Vous prenez un arc, puis là vous échappez les flèches. Vous avez vécu à cette époque-là. Mais ils n'avaient peut-être pas tiré de l'arc. Il y en a un autre qui prend son arc, lui, puis il fait comme ça pour bon, ça c'est typique d'une époque particulière. L'autre, lui, c'est comme ça où il tire de travers. Ça, c'est des chasseurs. C'est typique. Comment il fait... C'est ça. Puis la majorité des personnes qui commencent à tirer à l'arc, qui l'ont un petit peu, tirent toujours en amenant la corde à l'oreille. C'est à l'instinctif. Comme on tirait à l'époque, il n'y avait pas de mire. Aujourd'hui, on l'amène au menton. N'importe quoi, vous allez voir. Là, vous rencontrez certaines classes d'individus, vous les trouvez, etc., x, y, z, là. Voilà. Vous avez vécu dans des corps physiques à l'époque où il y a une forme d'aristocratie ou de déchéance crassie qui contrôlait ou manipulait des choses. Et ça, c'est ce qui nous limite à 100 000 à l'heure. Mais est-ce que c'est nécessairement, est-ce qu'il faut nécessairement s'en libérer de ça? Parce que des fois, ça peut être utile. C'est jamais utile. Tant que t'en es l'esclave. On vient avec la prison tout à l'heure. La prison, t'as pas à fuir, la prison, t'es pas dedans. C'est imposant. Oui, mais si ça t'apprend des choses que tu sais déjà... Si ça t'apprend, tu t'en sers, y a aucun problème, t'es pas prisonnier. OK, donc ça, on n'a pas à s'en libérer. Oui, on n'a pas à s'en libérer parce qu'on n'est pas prisonnier. Mais si t'es prisonnier, t'as à t'en libérer. OK, c'est où la nuance entre être prisonnier de quelque chose puis utiliser quelque chose? Quand tu utilises quelque chose, tu es le maître de la chose. Puis quand la chose t'utilise, t'es l'esclave de la chose. Alors, quand tu rencontres un autre peuple, puis tu commences à avoir un égo qui a peur, etc., au lieu de digérer ce qui est là pour connaître le peuple, ben, tu ramasses ce qui est là, puis c'est ça qui vient se nourrir de ce qui est là. Donc, tu es l'esclave de cette mécanique-là. Tu vas mal dormir, tu vas boire un peu plus, tu vas détester ça, tu vas critiquer les gens, juger la façon de manger. Et puis, à un moment donné, tu arrives à une place qui va plus avec ce que ta réincarnation connaît, c'est de dire, ah, ici, c'est mieux, je me sens mieux ici, c'est mieux. C'est le même peuple. Sauf que les gens sont différents parce qu'ils vivent d'une classe sociale qui est différente, parce que les riches du passé sont encore riches aujourd'hui dans la majorité des cas. Ça te charrie. Et là où ça va te charrier, ça va être, par exemple, êtes-vous capable de jaser avec des personnes âgées? Plusieurs ne sont pas capables. Pourquoi? Parce que les personnes âgées ont toujours été les tyrans chez la jeunesse. Hein? C'est les grands-parents qui éduquaient les enfants. Hein? Puis les grands-parents éduquaient les enfants d'une façon, tu sais, achale-moi pas. Il y en avait 12, 13, 15, 20, achale-moi pas. Puis c'était toujours du raid en tabarnouche. Quand la grand-mère a pu le grand-père, ou la grand-mère à l'époque du grand-père, lui, elle jouait. Quand elle te lavait les oreilles, là, elle avait les deux oreilles par une. Elle frottait, puis tu étais là, elle avait l'autre en même temps. C'est ça, tu sais. Puis là, tu frottais la face un peu, puis là, tu sortais de là avec quasiment des cicatrices. Bon. On te chicanait, on te disputait, on y allait, ensemble, ça passait au toast. Alors, comment veux-tu que la jeunesse, aujourd'hui, qui réincarne les mémoires du passé, quand tu revends les personnes âgées, c'est tout du monde, ça, qui... Oh, tu sais, il y a un fossé de génération. C'est pas un fossé de génération, c'est un abîme complet. Mais en réalité, c'est réincarnatif, c'est pas réel. Maintenant, les personnes âgées, ils sont très, très ouvertes, la majorité. Ils veulent, bon, puis les jeunes ont des difficultés. C'est pas à cause de la personne âgée, c'est à cause de ce qui est dedans, le jeune. Qui voit la personne âgée d'une certaine façon. Les mâles qui sont machos veulent pas. Puis il y en a plusieurs qui se disent, non, effectivement, je veux respecter la femme. Elle n'est pas si pire que ça. Bon, il vient encore de dire, lui peut être bien correct. Il y a une mécanique chez lui qui fait qu'il est toujours dominé. Les mémoires et le présent parlent en même temps, parlent en même mot. C'est ça. Comment s'en libérer, c'est une chose, on va en parler en masse, mais c'est extrêmement important de comprendre que ce que vous voulez être, vous l'êtes déjà, sinon vous ne pourriez pas vouloir l'être. Puis le gros ennemi, c'est toute cette mécanique réincarnationnelle, c'est notre passé. C'est l'ennemi. Est-ce que le passé actuel, le passé de la vie actuelle, est aussi nuisible que la réincarnation, plus, moins, égal? Pas plus, moins. Il est renforcé pour la simple raison qu'on ne fait plus confiance, parce qu'il est plus clair dans la conscience mémorielle de l'humain. Mais pourquoi on accepte ça? On accepte ça uniquement parce qu'on vient de cette mécanique-là. Donc, l'éducation qu'on a eue, c'est une éducation qui a été donnée par des personnes manipulées par leur réincarnation. Puis eux nous ont éduqués de façon à ce qu'on vive comme il faut pour que quand on va recevoir les mêmes réincarnations, qu'on puisse nourrir la même chose. On est fait. Pourquoi pensez-vous que l'humain a si peur du changement, puis du neuf? Parce que le passé ne se nourrit pas du neuf, il ne se nourrit pas du changement. Bon, la personne, elle commence à maigrir, elle va être contente. C'est pas long qu'elle commence à manger de la même façon. Elle peut pas se débarrasser d'une mécanique du passé qui est une attitude à l'alimentation. Bon, tu maigris, t'engraisses, tu maigris, t'engraisses. Ça ne va pas. Et pourquoi, à un moment donné, quand on arrive à un certain âge, on commence à vivre comme les personnes de cet âge-là ont toujours vécu? Pourquoi là, on commence à avoir peur de vie, on commence à plus vouloir déménager, on commence à se dire, ah oui, mais écoute-moi mon âge. Comment à mon âge? Quand, là, moi, j'ai découvert, à un moment donné, je disais à quelqu'un, oui, mais tu sais, v'là 25 ans, là, moi, quand je... T'as rien, v'là 25 ans. Moi, v'là 25 ans. Hey, t'es jeune. Ouais, quand t'es rendu que tu peux parler d'il y a 25 ans. D'un quart de siècle. Sauf que là, c'est pas ça du tout. Mais il y a aussi... Je suis toujours le même personnage. Donc, 25 ans, 2000 ans, 200 millions d'années, qu'est-ce qu'on en a à faire? Combien parmi vous êtes les mêmes personnes... Du point de vue de la conscience, du point de vue de la vie, de la gustation de la vie, que quand vous aviez 20 ans ou quand vous aviez 16 ans, hein, pour d'autres. Oh, souvent, les personnes sont les mêmes. Là, ils vont dire, oui, mais regarde, je ne peux pas marcher de la même façon. C'est pas ça l'idée, là. Quand tu regardes un coucher de soleil, puis quand tu regardes les choses, là, ça a une saveur particulière. Il y a plusieurs personnes ici qui sont les mêmes personnes. Sauf que les réincarnations viennent les encapsuler progressivement, puis à travers toute la mécanique réincarnationnelle, l'épaississement de l'ego, leur être-té, qui n'a jamais été vieux, qui n'a finalement jamais été jeune, mais qu'on va dire c'est jeune parce qu'elle a moins de croûte, bon, on va dire c'est jeune, c'est toujours là. Mais ça s'exprime à travers tellement de croûte que finalement, ce qui sort par là, c'est quoi? Qu'est-ce qui sort par là? Il y a des personnes, j'en connais plusieurs, moi, qui ont 60 et quelques années, et puis souvent, ils osent me dire, c'est moi, finalement, tu sais, quand je pars en vacances, là, je suis exactement comme quand j'avais 20 ans. Puis la personne, je dis, c'est vrai. Maintenant, pourquoi quand tu travailles, t'es pas exactement comme quand tu avais 20 ans? Mais on est aussi victime de tout l'environnement, puisqu'on faisait... Oui, mais l'environnement est bâti parce que nous sommes nous. Les besoins... Puis ce que nous sommes nous, c'est le passé. Mais nos besoins changent. Quand tu as 25 ans, tu penses pas à... Les besoins changent pas du tout. Ben, les besoins, il faut que tu manges, faut que tu payes ton loyer, faut que tu... À 45 ans, tu manges plus, tu n'as plus de loyer. Ben, à 65 ans, tu sais que tu... À 70 ans, tu sais que tu généreras plus d'argent. Donc, tu dois être plus conservateur. Non, on accepte encore des conneries. On part encore avec l'idée super stéréotypée traditionnelle que la personne rendait certain âge, elle était reléguée aux oubliettes. Elle est bonne pour garder des enfants. Et comme tu n'as plus d'enfants, puis tu te l'envoies en hospice. Tu n'as plus d'enfants. Un ou deux enfants, ça s'organise tout seul. 3, 4, 5, 15 enfants, c'est, là, tu as besoin de grands-parents. Mais c'est simplement que rendu à un certain niveau, là, la grand-mère et le grand-père, là, rendu dans les 40, 50 ans, 60 ans, il ne peut plus cultiver. Il ne peut plus aller à la guerre. Il ne peut plus transporter l'eau. Fait qu'il était relégué aux oubliettes. Là, aujourd'hui, c'est un ordinateur. Il ne peut plus travailler. Pourquoi? Il ne peut plus conduire un camion. Pourquoi? Il ne peut plus... Pourquoi? On n'est pas dans la même société. Puis on les met aux oubliettes, même chose. Alors, là, on va dire, laissez la place aux jeunes. Ben oui, là, on laisse la place aux jeunes, torieux. Les jeunes, ils sont fainéants, c'est pas possible, tu gardes les autres. Puis les jeunes qui sont capables de passer, qui sont capables de faire quelque chose, ils vont fabriquer un monde comme les personnes âgées à l'époque où ils étaient jeunes en ont fait un. Hein? Les personnes, là, quand ils étaient jeunes, là, 200 ans, là, je parle très très maintenant, on va dire, mettons, pour vous autres, 50 ans. Les personnes très très jeunes, là, 50 ans, là, 50 ans, c'est pas longtemps. Ces personnes-là, elles ont créé des emplois, elles ont créé des cités, des villes, elles ont créé des façons de voir des choses. Prenons les... On va juste regarder les micro-ondes. On va regarder la télévision, la télécommunication. Ça a été créé à ce moment donné. Pourquoi les jeunes, ils ne peuvent pas créer des choses, tout aussi? Non, les jeunes, ils prennent la place des autres. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont rendues là, puis le passé au complet veut se réincarner dans la jeunesse pour prendre la relève. Fait que le jeune qui est là, il veut clairer le vieux en haut, parce qu'au niveau réincarnationnel, le vieux en haut, c'est le jeune en bas. Ouais, c'est ça, au niveau réincarnationnel, mais pas au niveau de la conscience de l'individu qui vit dans le corps. En tant qu'ego, il veut juste reprendre sa place. Oui. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, rendu à 80 années, là, je réincarne tellement les jeunes puis mes enfants que je veux avoir la job. Fait qu'est-ce que je dis en bas? Je dis clair le vieux en haut. C'est moi le vieux en haut. Mais du point de vue réincarnationnel, pas du point de vue de ce que je suis. Et c'est là que je me ramasse encore prisonnier d'une mécanique de réincarnation, prisonnier du passé. Parce que là, moi, en tant qu'être humain, je dis, écoute, le jeune, je dois être là. Mais réincarnationnellement parlant, je vais facilement accepter d'être rejeté par la société. Parce qu'en dedans, on m'a instruit à me retirer à un moment donné. On va peut-être détester les jeunes, fausse génération, c'est encore une lubie, c'est pas vrai. Puis progressivement, je vais accepter de me clairer. Et pourquoi les gens à la retraite, souvent, ils s'en vont comme ça? Puis surtout l'homme, parce que la femme a travaillé souvent à la maison, à la retraite, elle continue. Pourquoi le bonhomme, il tombe, puis il meurt souvent rapido? Il n'y a pas de raison d'être. Non, c'est parce que traditionnellement parlant, il meurt. Réincarnationnellement parlant, il meurt. Alors, il meurt, et qu'est-ce que tu veux? Il suit le chemin. Il suit la tradition humaine. Mais on n'est pas pris comme ça. On n'a pas à vivre ça. Et on s'en libère comment de ça? On s'en libère simplement en faisant fructifier ce qu'on est. Il faut refuser carrément d'être assujetti à réincarnation. On va l'être encore pendant un bout de temps. Mais c'est pas ça l'idée. On doit refuser. On doit être ce qu'on est. Puis qu'est-ce qu'on est? Cherchez-le pas ce que vous êtes. Vous l'êtes. Oui, mais moi, là, je sais pas si je suis une personne qui est intelligente. Ça, c'est un stéréotype, c'est une étiquette, ça. Vous n'êtes pas une étiquette, donc pas besoin de savoir ça. OK? C'est bon. Eh oui, mais moi, je sais pas si je suis une personne qui a du talent. C'est quoi, votre talent? Si vous êtes dans un stéréotype où vous n'exprimerez pas votre talent, que vous en ayez ou vous n'en ayez pas, tout le monde a du talent. Il faut que la personne trouve son trou. Ça peut prendre un laps de temps, c'est évident. Parce qu'on est avec les réincarnations, on s'est ramassé là. Mais là, le temps que ça fonde, là, tu te ramasses dans ton trou pour que tu commences à être exploitable par toi et par un système qui va être capable de te donner une rémunération en temps, en santé, en énergie, en bonheur, en amour, en argent. Et on parle de richesse. Il faut qu'il se passe quelque chose. Les individus, ce qu'ils doivent comprendre simplement, c'est... Je vais vous donner un exemple. Il y a un stéréotype réincarnationnel qui fait que l'homme, il domine dans la maison. L'homme, il domine. Hein? Bon. Puis chez les animaux, c'est la même chose. L'homme, il domine. Fait que la femme, elle doit faire des choses. Puis le bonhomme, il a le droit de la battre, il a le droit de chialer, il a le droit de crier. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des chicanes familiales depuis quelques années? Depuis, mettons, 150, même pas. Ben, mettons, 80 années en montant. Comment voulez-vous qu'il n'y en ait pas? La femme, elle n'écoute plus. Fait qu'elle frustre le bonhomme. Il peut même pas abattre, tout le monde peut plaît. Non. Mais je dis pas que la femme a tort de pas écouter. Ce que je dis, c'est que réincarnationnellement parlant, comment veux-tu que les hommes acceptent facilement que la femme s'émancipe alors que pendant 30 000 ans, la femme s'est pas émancipée? Il n'y a rien de plus frustrant pour 28 millions de réincarnations de morts dans un gars. Il y a aussi l'égrégore du couple qui probablement les couples ne sont plus les mêmes qui étaient les Mais non, mais l'égrégore du couple, c'est que la femme doit écouter. Fait que là, il y a des disputes. La femme a la raison de s'émanciper. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau égrégorien, il faut s'attendre à des problèmes. Quand on vit en couple, aimez-vous ça, chicane? Non. Pourquoi vous en faites? C'est ça. Quand on en fait une chicane, on s'en rend pas compte. On se fait ramasser, puis pouf, on t'en chicane. Là, c'est nos mémoires réincarnationnelles qui se servent de notre expérience actuelle pour se nourrir. On est... T'as pas que pire. À un moment donné, on commence à recenser le passé. Hein, le passé. Il va-tu dans le passé? Ça n'a rien à voir avec le présent. La majorité des chicanes, je dirais, c'est du passé. C'est toujours du passé, puis des maudites stupidités qui n'ont rien à voir. Ah, oh, il fait clair, il fait la lumière. Voyons, il fait noir, elle rallume-la. Bon, ça y est, on est parti en chicane. Deux êtres humains intelligents qui ne veulent pas vivre ce genre de stupidité-là. Puis là, ils sont en train de s'engueuler pour ça à cause de le teint ou la lune. Oui, mais il fait chaud. Ah, il est... Mets ça. Pour avoir raison, c'est normal. La femme veut s'émanciper, elle veut se libérer de quelque chose. Il faut qu'elle plante le bonhomme. Puis le bonhomme, il veut rien savoir. On parle de réincarnation. Le bonhomme, il veut rien savoir. Il plante la bonne femme. Puis là, ça les chicane. Les enfants, l'enfant répond aux parents. Ça frustre instantanément. Pourquoi? Parce que traditionnellement, l'enfant n'a jamais répondu aux parents. Puis c'est même pas ce qu'il dit, ça frustre. Les enseignants et les enseignantes ont souvent cette problématique-là aussi. Pourquoi? Parce que, du point de vue de la réincarnation, jamais un enfant répond, c'est la strappe. Il ne répondra plus jamais. T'sais, on parle réincarnationnellement parlant. Puis dans le passé, c'est la même chose. Les enfants n'ont rien à dire. Tu vas te marier avec qui je te dis, tu vas te... Les égrégores parentaux doivent avoir de la misère chez nous parce que ma femme demandait à ma petite fille si elle apprenait pour une servante. Elle dit, oui. C'est logique pour ta petite fille parce qu'elle descend d'une structure aristocratique qui avait des servantes. Les égrégores maternels, ils se brassaient. Mais oui, mais c'est pas maternel. Les autres avaient des nannies. Mm. Puis la mère, pour la petite de 6 ans, c'est une nannie. Mm. C'est pas sa mère parce que sa mère, elle fait pas ça. On parle réincarnationnellement parlant. Quand on comprend cette mécanique-là, il faut commencer à en jaser entre nous un peu, ça va régler plein de choses. Mais ce qui est important, c'est que vous avez une valeur qui est absolument formidable. La problématique, c'est qu'on la laisse colorer par des choses qu'on n'est pas. Bon, il y a des gens qui ont peur de prendre l'avion. Ils auront toujours peur de prendre l'avion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris l'avion dans le passé. Bon, ou ils l'ont pris puis ils sont morts au premier vol. Mais écoutez, c'était pas un avion à l'époque. C'est un aéroplane. Il vient de Lindbergh. C'est ça, un biplane pas de moteur que tu pousses en bout d'une côte, en espérant qu'il va y avoir un vent ascendant que tu connaissais pas aussi. Ou encore t'essayer de faire voler une aventure d'une tonne et demie, tu sais, là. Bon. Ce que vous devez comprendre, c'est Est-ce que c'est ça les habitudes? Parce qu'on dit, ben là, je suis habitué de prendre l'avion, je suis habitué... On appelle ça habitude, mais habitude, c'est aussi des mémoires inconventionnelles. Si tu es habitué à prendre l'avion, tu avais peur un peu au début, c'est normal, parce qu'il n'y a pas assez d'humains qui ont pris l'avion. Hein? Dans nos mémoires réincarnationnelles, ça n'a pas volé bien. Bon, à un moment donné, tu réincarnes des mémoires de passagers. Ça, c'est réincarnation dans ton actuel. Alors, progressivement, tu finis par être sécurisé. Si tu réincarnes des mémoires de pilotes, ça va peur, tout le temps. Parce qu'ils ont peur, les pilotes, quand ils volent. Ils ont peur. Oui, je pose la question à un pilote, qui m'a dit franchement, c'est... Y a-t-il des pilotes dans l'avion? Ouais. Puis, là, à un moment donné, juste, j'étais dans un petit avion, un Cessna, et puis on fait un grand détour pour atterrir à l'aéroport de village, de campagne. Et puis là, il y a une grosse auge à cochons, c'est de la grosse boîte à des cochons, tout ça, puis c'est dans le nord du Québec. Puis il y a une petite clôture, puis l'aéroport commence là. Le gars, le pilote, il fait son grand machin, il réduit ses deux moteurs, ça hélice, ça ça fait du vent. Puis on commence à avoir chaud parce qu'il réduit la vitesse de ses moteurs. Et puis là, ça ralentit. Puis là, moi, on est assis, on est quatre dans la venue, mesdames et messieurs. Si vous voulez du café, il y en a en arrière. Il y en a en arrière, ça, il n'y a pas de toilette là-dedans. Et puis là, on voit dans le cockpit, puis là, moi, je me rends compte que ça n'a pas de sens. On atterrit dans haut, j'ai un cochon. Ça baisse. À un moment donné, je vois les deux gars, ils faisaient des farces, ils n'en font plus. Je dis, sérieux, puis j'entends. Les moteurs décollent au maximum. Puis là, ça tire les moteurs, ça y va, puis l'avion descend, puis les moteurs, ils marchent, puis les gars sont bien drettes. Bien sérieux. Puis là, on arrive à passer par-dessus la clôture, puis on arrive juste à la piste. Les gars, ils ont eu peur en tabarnouche, les gars. Ils sont en avance, les premiers de faire clôture. Les pilotes, c'est vraiment... c'est vraiment dans la sapore. Ah, là, il a arrêté, ouais, effectivement, dans l'eau, j'ai un cochon. Qu'est-ce que je vous dis, c'est ça. Mais ils ont peur, mais c'est normal. Quand vous conduisez votre automobile, ça a peur de temps en temps. Mais l'avion, c'est la même chose. Quand ça, c'est un 747, ils ont peur en dedans, ils ont peur en avant, en tabarnouche, puis ça se communique télépathiquement, ça se promène, ça, là, la tête. Il y a un de mes amis qui me contait ça. Il décolle avec un DC-9, puis ça monte bien haut. À un moment donné, il y a une hôtesse qui passe en courant, qui grimpe la côte. Ça va en avant. D'un coup, il y a une deuxième hôtesse qui passe en courant, qui grimpe la côte. Puis il regardait en arrière, puis il y a une porte de chance en arrière, elle était ouverte. Il voyait dehors. Ah oui. Fait que là, ben, ils ont volé tout le long. Ils ont dit, l'envol, il n'y a pas de problème. Le vent, la tient fermée. Et il faut c'est l'atterrissage, c'est dangereux. On peut mettre le feu à l'avion. On peut atterrir à Montréal ou atterrir à New York. Ça allait à New York. Quand on va. Puis les passagers étaient contents. Parce que lui était content, il dit ça me fait au moins une heure de plus à vivre. T'sais. Je m'autant ça. Au moins là qu'on atterrisse à New York plutôt qu'à Montréal. Mais ils ont peur. Ça sent la peur. Ça dépend ce que tu vas aller chercher comme réincarnation. Mais vous êtes quoi? L'important, c'est ça. Comment on fait pour se libérer du passé? C'est pas comme ça qu'on va se libérer du passé. Faut cultiver le présent. C'est extrêmement simple. Il y a des mauvaises herbes qui tuent les bonnes herbes, là. On arrache les mauvaises herbes, on arrache. C'est une bonne chose. Et si on ne peut pas arracher les mauvaises herbes où ça pousse sans arrêt, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour cultiver la plante qui doit pousser. Donne-lui de l'engrais, arrose la haie, tu sais. Fait des choses en genre. Puis quand la grimpe suffisamment, les mauvaises herbes, là, il n'y a plus rien à faire des mauvaises herbes. Puis son ombre va tout les tuer à un moment donné, puis c'est réglé. L'humain doit croître dans ce qu'il est, cesser de toujours travailler pour ôter une croûte, parce qu'il y en a une qui apparaît, on réincarne sans arrêt. Tu dis qu'il ne faut pas faire de thérapie? Les thérapies vont être bonnes uniquement si l'individu n'est pas... Les thérapies du passé, je parle, c'est-à-dire de fouiller dans le passé pour faire des régressions, faire c'est bon uniquement si l'individu n'a pas suffisamment de conscience pour être capable de cheminer avec sa conscience. Autrement dit, tant que l'individu est assujetti au processus de l'évolution, il faudrait probablement faire des thérapies. C'est-à-dire que ce qu'on fait, une thérapie, c'est quoi? C'est d'aller dans le passé de l'individu, aller changer le passé de l'individu, que l'individu, quand il se réveille, quand il ressort de sa thérapie, il se trouve mieux. Pourquoi? Parce qu'on est allé tuer les réincarnations qui faisaient qu'il se trouvait laid. Fait que là, il se trouve plus beau. Bon, on va aller tuer les réincarnations qui l'alcoolisent. Fait que là, il va y avoir plus de facilité à s'en sortir. On va tuer les réincarnations qui font, par exemple, qu'à un moment donné, il est resté pris pendant un an dans un ascenseur où il est tombé. Bang! C'est paf! Tombé. Un an dans le temps cosmique. Alors, là, l'individu, il a une phobie. L'individu a peur. Alors là, on va aller tuer ces réincarnations-là. On va aller voir, puis on va réinstruire les réincarnations, que c'était pas si pire que ça. Dans l'ascenseur, quand il est resté pris. Puis c'était pas si pire, c'était pas ça. C'est tout des mensonges qu'on compte, parce qu'elle a eu chaud, il n'y avait pas de ventilation. C'était terrible. Mais là, on va aller y compter dans le passé que c'était pas si pire que ça. Là, la personne, là, quand elle se réveille, mettons, de son hypnose, mais là, c'est pas pire. Là, elle a moins peur. On fait juste jouer avec le passé. La personne qui est consciente, donc la personne qui sait qu'elle sait, puis qui est consciente des mécaniques qui la sujettissent, cette personne-là n'a pas nécessairement besoin de faire de thérapie. Dans certains rares cas, ça va un petit peu plus vite pour régler une petite problématique. Là. On parle d'une possession, une réincarnation plus présente, c'est une possession. Chez une personne, peut-être que là, une petite thérapie exorcisante, ça peut aider, mais c'est des choses que c'est pas nécessaire. Ça prend de l'énergie faire une thérapie des deux côtés, de celui qui l'a fait et de celui qui l'a subi. Alors, la personne qui se conscientise, tout ce qu'elle a à faire, puis c'est ce qui arrive souvent, les personnes, le monde, ils sont pressés. Moi, si je vous dis là, que vous appliquez une technique qui fonctionne bien, puis dans 20 ans d'ici, ça va être clair. Les personnes qui disent, hey, dans 20 ans, je regarde sa montre, je dis, dans 20 ans, ben, ouais, 75 ans, moi, là, c'est dans 20 ans. Ouais, mais vous allez peut-être vivre aussi jusqu'à 120, 150, hein? On ne le sait pas. Mais assujetti à des mécaniques qui font toujours en sorte qu'on décolle. Mais une chose qui est importante. L'être humain qui développe sa conscience malgré toutes les mécaniques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je parle d'appliquer une chose, quand je dis qu'il faut prendre son temps, bon, on est correct. On est correct. Toutes les personnes avec qui je travaille, les personnes que je côtoie, c'est des gens qui sont bien corrects. Puis tu le sais, il y a du monde, toi, qui sont rapaces à plus finir, c'est du maudit beau monde. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Ils sont ramassés par des mémoires, sont ramassés par des trucs pour récupérer les individus. Il y en a qui sont voleurs, il y en a qui sont menteurs, il y en a qui sont rapaces, il y en a qui sont tout ce qu'on voudra. Et pourtant, quand on jase avec dans un certain cadre, on se rend compte que la personne qui est dedans, génial. J'ai été en prison, j'ai rencontré des meurtriers, j'ai rencontré un paquet de monde. J'étais en prison pour jaser avec le monde. Et puis... Pas de rumeurs. Tout du monde correct. Tout du monde correct. Lui, il faut l'exorciser, c'est un meurtre passionnel. Sans ça, il va recommencer. Mais le gars dedans est correct. Sauf qu'on a mis, à ce rythme-là, tout le monde est correct partout. pas ce rythme-là. Tout le monde est correct partout. Oui. Sauf qu'ils n'ont pas tous de la conscience. C'est une chose. Il y a des individus que tu dois laisser dans certains milieux parce que le milieu va leur permettre de développer une conscience. Mais c'est pas nécessaire que les milieux soient milieux souffrants. OK? Il y a des classes, au niveau de l'évolution, tu as des classes hiérarchiques au niveau social qui plaisent aux individus. Il y en a qui donnent leur un poste de patron puis ils paniquent, ils ne peuvent plus rien faire. Ils veulent être un bon mécanicien. Ils veulent être un bon employé. Ils veulent pas être un patron. Il y en a d'autres que tu peux montrer au niveau de mettons, le gérant, c'est correct, mais les plus hauts, si tu restes, ils sulcérisent le corps, ça marche plus. Il faut te descendre en bas. Chacun dans son trou. Sans vouloir atteindre X, Y, Z, quand t'es heureux puis t'es bien, là, t'as pas besoin de rien de plus. C'est parfait. Puis si tout le monde est heureux et bien, ceux qui sont en haut vont s'occuper de toi, parce que ça fait partie de l'esthétisme même de l'intelligence. Quand je parle s'occuper de toi, ça veut simplement dire qu'il y a un ouragan, ça balaye toutes les maisons, mais ceux qui ont de la monnaie et qui ont du temps, ils vont s'organiser pour qu'on construise tout. C'est logique. Sauf que parce que les humains sont pas heureux, parce que les humains sont manipulés par le passé, mon passé va faire en sorte que je vais détester, par exemple, tel genre de personnage. Puis à un moment donné, ben, il arrive une catastrophe quelque part, puis on dit, ouais, ils méritent rien que ça, eux autres. Oui, parce que dans le passé, là, on a eu des problèmes avec eux autres. Fait que là, inconsciemment, on est content. T'sais? À quoi ça sert, ce peuple-là? C'est sûr, t'sais, ils ne nous servent plus. T'sais? Ils n'ont jamais servi. Ils ne servent à rien, ce peuple-là. T'sais? Des questions fondamentales. L'humain, il est, je crois, médiocre. Il est médiocrisé par ses réincarnations. À un moment donné, je vais dire à quelqu'un, écoute, on le sort, on l'amène quelque part, puis on l'habille d'une façon extrêmement utile. Mais qui lui va arriver, qui est correct physiquement, se sent bien là-dedans, tout est parfait. Puis là, quand elle se regarde, elle peut même aller jusqu'à trembler. Je suis pas prête encore. C'est quoi ça? C'est toutes ces réincarnations en dedans qui veulent pas porter du linge comme ça parce qu'ils n'ont jamais porté, c'est pas leur classe. Eux, ils sont convaincus que jamais c'est interdit. Alors que la personne doit suffisamment se réveiller à être elle-même, finalement, ça va être correct. Dans n'importe quelle situation de la vie, si l'humain joue le jeu de sa réalité. Ben, les réincarnations, ils vont te manipuler, ils vont te faire transpirer, ils vont te faire trembler un petit peu. Et puis, progressivement, ça va passer. L'humain doit totalement se libérer de son passé. En attendant, on prend une pause. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez, puis on va se... On y répond. Tout à l'heure.